Unité 2, phonétique. A. Si, si, si, si, si, cigare. Si, sans, si, si, si, sans cigare. Douze fous, tous doux, valent mieux que douze doux, tous fous. Lulu Berlu du fût a bu plus qu'a lu Berlu Duc du dessus.